Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP 106.3, c'est la jungle des luttes, programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Donc on se retrouve en direct tous les troisièmes lundis du mois de 19h à 20h30. On est retransmis le quatrième jeudi de 8h à 9h30 et on a toujours le blog La jungle des luttes où vous pouvez retrouver nos émissions si vous le souhaitez. Donc là, aujourd'hui, nous sommes avec Noémie de la Quadrature du Net qui nous parlera du procès des inculpés du 8 décembre 2020. Donc on parlera avec elle de ce procès et de tout ce qui peut aller, tout ce qui va avec autour de dans ce monde de brut. Donc justement, c'est brutal ici, c'est brutal partout. Et donc en deuxième partie, on sera justement avec des compagnons du CNI, Congrès National Indigène du Mexique. On vous en parle régulièrement, ils sont actuellement avec le FRAIBA, qui est une association des droits de l'homme qui siège au Chiapas essentiellement. Et donc ils sont actuellement en tournée en Europe, donc ils sont passés par Paris il y a quelques temps, on a eu l'occasion donc de faire un entretien avec eux. Et donc on sera avec eux en deuxième partie de l'émission, donc au Mexique et toute cette violence. Et ben voilà, on salue tous les peuples en lutte et qui résiste face à cette violence de ceux d'en haut qui se permettent d'en finir avec toutes ces vies. Bon, on est des milliards, normalement, on devrait s'en sortir. C'est nous les plus forts, soyons du côté de la vie. La lucha sigue, musique, et on sera ensuite donc avec Noémie Quadrature du Net. Merci. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, c'est t'as compris Frantz Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'inflictes des visages, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent, reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu je pense qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que mon monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que mon monde est crade, appelle-moi camarade. Que mes larmes sont les tiennes sont les miennes. Bref, nos peines sont les mêmes. On se démène pour éviter l'abattoir. Ouais, je me démerde, merde, sans perdre de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage, une cassos. Prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie. Issue d'une génération endormie par la matrice. Enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme. Appelle-moi ta 106.3 FPP, la jungle des luttes, donc on est ensemble jusqu'à 20h30 et donc avec cette première partie, comme je le disais, Noémie pour la Quadrature du Net et le procès des inculpés. Je te laisse. Et je reprends la main. Donc, bonsoir Noémie, c'est super de t'avoir avec nous. Du coup, ce soir, on voulait un peu revenir sur ce procès qui a lieu en ce moment, qui vient de s'ouvrir le 3 octobre dernier, qui est le procès des inculpés du 8 décembre 2020, comme on les appelle. Mais du coup, est-ce qu'on peut commencer peut-être par représenter c'est quoi la Quadrature du Net, qu'est-ce que vous faites et comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à cette histoire de procès du 8 décembre? Alors bonsoir. Du coup, la Quadrature du Net, c'est une association qui défend les libertés à l'espace numérique, qui a commencé avec des combats sur Internet. et qui aujourd'hui se bat contre la surveillance, pour la liberté d'expression, contre la censure dans d'autres espaces aussi, dans l'espace public. Ça fait 15 ans qu'elle existe. Et du coup, nous, on lutte aussi pour que les personnes puissent utiliser des outils émancipateurs qui permettent de protéger leur vie privée. Et pour revenir du coup à comment on est arrivé à s'intéresser à l'affaire du 8 décembre, peut-être déjà rappeler ce que c'est cette affaire. Tout à fait. Donc c'est une affaire antiterroriste, il faut le dire, qui a été donnée au parquet antiterroriste, et c'est assez rare pour le souligner, qui concerne 7 personnes, 7 inculpés, tous plutôt issus de milieux de gauche, d'extrême gauche, des militants, de milieux squat, etc. Et en fait, qui tourne autour d'une personne qui revenait du Rojava, donc qui allait combattre Daesh au Kurdistan, au Rojava, il y a quelques années. Et quand il est revenu, il a été placé sous surveillance. Et lui et 6 personnes qui le connaissaient ont été arrêtés avec le récit qui a été fait par les services de renseignement, par le juge d'instruction et le parquet, que ces 7 personnes voulaient commettre un attentat terroriste sur le sol français, que cette personne qui revenait du Rojava voulait leur transmettre des compétences. Et donc, elles ont été arrêtées le 8 décembre 2020. Et cette affaire, elle est assez particulière pour le souligner sur plusieurs aspects. Comme j'ai dit, déjà, c'est de l'antiterrorisme. Et dans les milieux de gauche, ça faisait des années, ça faisait en fait depuis Action Directe qu'il n'y avait pas eu ces procédures antiterroristes contre ce milieu. Il y a eu l'affaire Tarnac, qui a été un fiasco aussi il y a une quinzaine d'années. Et déjà, comme j'ai dit, donc, ces personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes et elles ne se connaissent pas toutes. Elles sont poursuivies pour donc, association en vue de commettre une infraction terroriste, sachant que dans l'instruction, ça a été dit qu'il n'y avait pas de projet déterminé. Ils n'ont jamais trouvé de projet ou de moment qui avait été convenu par toutes et tous. Et ensuite, il y a plusieurs choses qui sont reprochées à ces personnes. Et pour résumer, il y a en gros d'avoir avoir manipulé des substances explosives, des pétards, etc. à un moment, d'avoir fait des parties d'airsoft qui ont été transformées en entraînement paramilitaire par l'instruction, qu'il y ait des armes aussi en circulation, sachant qu'il y en a eu quasiment la majorité qui étaient légales, il y avait des permis de chasse, etc. Et enfin, un dernier aspect du dossier qui devait montrer ce pseudo-projet, etc., c'est le fait que toutes ces personnes communiquaient entre elles par des outils protégeant leur vie privée. Donc des outils chiffrés, comme des applications comme Signal, etc., des navigateurs qui permettent de protéger la vie privée comme Tor ou le Tor Browser, d'utiliser des clés Tails, qui est un système d'exploitation qui permet de protéger sa vie privée aussi. Donc il y a plusieurs éléments comme ça. Et nous, c'est par ce biais-là qu'on s'est intéressé, en tout cas qu'on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on visibilise ce procès. C'est parce que des outils qu'on défend depuis toujours, qui nous paraissent protecteurs de la vie privée, émancipateurs, qui permettent de se protéger contre la surveillance, mais toute forme de surveillance, qu'elle soit de l'État, des GAFAM, de personnes qu'on connaît. En fait, ces outils-là, dans ce dossier, ils sont liés avec un soupçon de clandestinité, un soupçon de criminalité. Et vraiment, c'est pas une fois, deux fois, c'est des centaines de fois dans le dossier où le lien est fait entre protection de la vie privée et quelque chose à cacher, et volonté de cacher un projet criminel. Donc, on avait, il y a quelques mois, en juin, on a fait un long article sur notre site internet qui reprenait tous ces éléments, qui est aussi, en fait, dans le dossier, c'est aussi, il y a énormément d'erreurs techniques qui sont faites de la part des services de renseignement, du procureur, etc., qui confondent les services dont ils parlent, qui parlent de cryptage alors qu'il faut parler de chiffrement. Enfin, voilà, c'est des erreurs, mais des erreurs qui ne sont pas acceptables pour des services comme les services de renseignement qui ont autant de pouvoir et peuvent en fait mettre des gens en prison. Parce que oui, ça, je ne l'ai pas dit aussi, sur les 7 personnes, quasiment toutes ont fait de la détention provisoire pendant longtemps. La personne qui est partie au Rojava a fait 16 mois de détention, placée à l'isolement. Enfin, il y a eu des impacts très concrets. Et donc, on a fait cet article-là en juin, suivi d'une tribune signée par énormément de personnes, que ce soit les acteurs en question, Signal a signé la tribune, Tor a signé la tribune, aussi des entreprises de la tech, des chercheurs en cryptographie, évidemment des militantes et militants, des associations, des journalistes, en fait, pour refuser cette association entre chiffrement des communications, protection de la vie privée et criminalité, qui est vraiment un des gros éléments au cœur du dossier. Donc voilà, nous c'est par ce biais-là qu'on est arrivé, Mais après, cette affaire, elle est aussi très critiquable et il y a énormément d'éléments qui vont, donc on voit là en ce moment pendant le procès et on espère aussi qu'ils vont être résolus, sur la manière dont l'enquête a été conduite, sur l'utilisation de sa justice exceptionnelle qui est l'antiterrorisme pour voilà, incriminer, en tout cas mettre en prison des personnes qui n'avaient encore rien fait, en tout cas n'étaient à l'étape que de projet et même le projet n'a pas été identifié. Donc ça, après, ça va être le procès qui va confirmer ou non est-ce qu'il y avait un projet suffisamment caractérisé. Et on est beaucoup sur de la décontextualisation de morceaux de vie de personnes pour les imbriquer, pour faire un récit qui permettrait de les poursuivre. Donc on a énormément ça sur les outils numériques, vraiment qui sont décontextualisés, qui sont présentés presque comme des armes dans le dossier. Enfin vraiment, toutes les personnes qui ont été interrogées, on leur pose des questions sur leur pratique numérique, on leur demande est-ce qu'elles sont anti-GAFAM, on leur demande est-ce qu'elles utilisent Signal, est-ce qu'elles ont fait télécharger Signal à leurs parents. Enfin vraiment, on est sur de l'ordre du récit. Est-ce que vous concédez d'utiliser Signal ? Enfin voilà, de l'ordre de l'aveu, de la culpabilité. Et ça, c'est une grosse part de ce dossier. C'est la narration, c'est les mots qui sont choisis. Et donc le procès, il a commencé, tu l'as dit, le 3. Moi, je suis allée à quelques journées et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort beaucoup. C'est récit contre récit et surtout, on voit la construction d'un récit par donc, toutes les autorités judiciaires, le renseignement, le procureur, par exemple sur la question des explosifs, qui est une grosse part. C'est vraiment, les inculpés disent... et explique comment pour eux, en fait, ils se sont amusés à faire des pétards, ils avaient des pétards, ils n'en avaient plus, ils ont essayé de bidouiller, c'était pendant le confinement, ils s'ennuyaient, et comment le récit de fabrication de pétards, qui était effectivement, genre, ils ont mélangé les substances entre elles, c'était artisanal, comment dans la bouche du procureur, des autorités de poursuite, c'est, ils voulaient fabriquer des explosifs parce qu'ils avaient un projet terroriste. Et voir ça, c'est assez rageant, c'est assez inquiétant, ça peut être aussi parfois... vraiment ridicule, quand on voit la réalité d'une scène et comment elle peut être tournée, transformée. Oui. Mais à la fin, à nouveau, voilà, ça a mis des personnes en prison. C'est quand même la justice qui est rendue. Et nous, sur les aspects numériques, c'est la crainte d'un précédent. Vraiment, ce serait une jurisprudence nouvelle, on va dire, de faire une présomption comme quoi avoir une intimité, protéger sa vie privée, c'est donc une présomption de culpabilité. Oui, parce que j'allais demander ça, c'est vraiment une première en fait que le chiffrement soit utilisé comme ça, ou vous avez des cas quand même où c'est quelque chose qui commence à arriver ou... Alors, de cette ampleur, c'est vraiment la première fois qu'on voit ça, et c'est pour ça qu'on l'a visibilisé. D'ailleurs, les autres associations qui ont un peu les mêmes objectifs que nous au niveau européen nous regardent, enfin sont vraiment terrorisés aussi par cette affaire. C'est quelque chose qui a peu été vu en Europe. Après, nous, ce qu'on avait pu voir, c'est un climat, donc un climat politique de méfiance. Enfin, ça fait des années que les ministres de l'Intérieur qui succèdent contestent, enfin s'énervent parce que les personnes utilisent des messageries chiffrées et qu'on peut pas accéder à leurs messages et que du coup on peut pas les surveiller et qu'il faudrait pouvoir casser ce chiffrement des communications. Donc, et aussi, à nouveau, Gérald Darmanin l'a refait il y a quelques mois, de dire que la mouvance ultra-gauche a le culte du secret parce qu'elle utilise des applications chiffrées. Donc, il y a tout un récit, une tension politique qu'on voit de gouvernants, de surveillants qui aimeraient pouvoir accéder à ces espaces. Et donc, criminaliser ces outils, ça fait partie d'une stratégie. Mais c'est pas nouveau, le chiffrement, ça a été libéralisé dans les années 90. Et déjà, à cette époque-là, il y avait une bataille, une tension politique entre l'État, qui voulait pas libéraliser cet outil, le garder un peu sous son contrôle, et à la fois les activistes, et aussi l'industrie. Hein, c'est beaucoup l'industrie qui a poussé pour que ce standard de chiffrement soit libéralisé. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le chiffrement, il est partout. Enfin, ça veut juste dire protéger une information, sécuriser une information. Et donc, c'est évidemment dans les messageries chiffrées dont on parle là. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, le chiffrement, ça sécurise une connexion Internet, ça sécurise le dossier médical partagé. Enfin, c'est vraiment ça, une mesure de sécurité. Et dans les communications interpersonnelles, pour nous, c'est, voilà, c'est se protéger, c'est une mesure de soin, en fait, de juste ne pas donner sa vie privée à des acteurs malveillants. Mmh, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu peux revenir là, on en est où un petit peu du procès? Il y a eu plusieurs étapes quand même, ça dure un mois, c'est jusqu'au 27 octobre, c'est bien ça? Du coup, là, quelles étapes on a eues? Où est-ce qu'on en est? Quand est-ce que vous allez intervenir? Alors, en gros, ça a commencé le 3, et si je dis pas de bêtises, ça a commencé avec une présentation, enfin, une présentation de la personnalité des inculpés, qui sont passés un à un. C'est un exercice très particulier pour essayer de comprendre qui ils et elles sont, quel est leur parcours et qui ils étaient au moment des faits. Ensuite, le tribunal a décidé de revenir thème par thème par rapport à ce qu'ils leur sont reprochés. Donc il y a une grosse partie donc, sur les explosifs dont je parlais, les substances qu'ils ont manipulées à deux moments. Il y a, en gros, dans le dossier, il y a deux moments où il y a ça. Là, en ce moment, donc, ça recommence demain après-midi, c'est sur les parties d'airsoft qui sont vues comme des entraînements paramilitaires et les armes. Et après, ça va être le numérique. Et effectivement, donc dans les outils qui sont dans le dossier, il y a donc beaucoup de Signal, Tail, Store, Proton Mail qui est mentionné, des Linux. Ah oui, il y a ce truc que les personnes ont Linux sur leur ordinateur, donc auraient des compétences informatiques incroyables. C'est vraiment ridicule. Et il y a aussi un logiciel qui s'appelle Silence, qui permet de chiffrer ces textos. Et donc, on a un camarade qui est développeur de Silence qui va dire son avis aussi, qui va intervenir dans le dossier. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qu'on voit énormément dans ce qui touche au numérique, c'est beaucoup d'erreurs aussi. Ils confondent Tor et Tails à un moment dans l'instruction. Et en fait, ça revient énormément, quels étaient les usages des personnes, etc. Comme si on disait ce qu'ils mangeaient au petit déjeuner, comme si c'était intéressant. Est-ce que pour les auditeurs et auditrices, tu peux redire ce que c'est Tor et Tails? Parce que justement, je crois que c'est... Oui. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Du coup, Tor, c'est... donc, Tor et Tor Browser, c'est une application qui permet d'aller sur Internet. Tor Browser, c'est un navigateur qui, en fait, contrairement à Google Chrome, par exemple, ne va collecter aucune donnée. Donc, va totalement protéger la vie privée et va pas faire en sorte qu'on soit le sujet d'exploitation commerciale des grosses entreprises. Donc, ça protège la vie privée. Et Tor, c'est aussi... Voilà, c'est fondé sur le protocole Tor qui protège l'adresse IP, donc la source de connexion Internet, qui, pareil, va permettre qu'en fait, qu'aucune donnée ne soit échangée entre le navigateur et ce qu'on consulte. Donc c'est vraiment un outil hyper grand public. Aussi, voilà, tous ces outils, c'est des outils hyper grand public. Tails, c'est un système d'exploitation. Donc ce qui fait fonctionner votre ordinateur, qui est sur une clé USB, qu'on branche sur son ordinateur et qui permet, en fait, de ne garder aucune trace de l'activité, de ne laisser aucune donnée personnelle. Et en plus, c'est pratique, c'est sur une clé USB et on peut aussi stocker des fichiers dessus. À nouveau, c'est une application hyper grand public, très facile à utiliser. Et je dis ça parce que dans le dossier, quelque chose qu'on voit, c'est que il y a, dans la construction du récit dont je parlais, il y a l'idée que ces personnes sont hyper calées en informatique, que ces outils sont à la limite de l'illégalité, que ça montre qu'elles veulent vivre dans l'impunité, dans la confidentialité la plus totale, etc. Ce qui est absolument faux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, voilà, dans notre article aussi, on a dit, et toute la communauté geek, d'ailleurs, a rigolé quand ils ont vu, ce dossier. C'est quelque chose d'hyper commun, quelque chose de juste qui protège la vie privée. Et voilà, et pareil, il y a quelque chose dans le dossier où, à un moment dans l'instruction, bah, le dossier patine, enfin, je sais pas comment dire ça, mais... Ils disent que s'ils n'ont pas trouvé certaines informations, c'est parce que justement, elles sont dans ces applications qui sont chiffrées. Et donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Mais en fait, l'absence de preuve devient une preuve. Et voilà. Et en fait, c'est tout ce récit sur une incompréhension totale de ce que sont ces outils. Et en plus, sur une approximation sur ce qu'ils permettent. Et pour nous, c'est qu'ils permettent d'exercer le droit à la vie privée. Point. Et malheureusement, en plus, toute une invention, mais en fait, qui a eu des répercussions très, très concrètes dans la vie de ces personnes, puisque, voilà, c'est, tu le disais, c'est l'isolement de la préventive pendant des mois, avec tout ce que ça implique de violence à plein de niveaux psychologiques et autres. Et en plus, il me semble bien que la personne qui était rentrée du Rojava, il a carrément fait une grève de la faim. Bon. Bref, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se sont passées. Donc, ils ont déjà été punis avant d'être jugés, quoi. On arrive malheureusement bientôt à la fin de notre échange, mais est-ce que tu peux nous redire comment soutenir du coup les inculpés à ce stade, peut-être des ressources vers lesquelles on peut orienter les personnes qui veulent en apprendre plus?

Bonjour, je m'appelle Amaïd Ali et je suis très heureuse d'être ici. Vengo de Oaxaca, del sur de Oaxaca, y vengo en representación de las mujeres del CNI. Je viens du sud de l'état de Oaxaca et je viens comme représentante des femmes du CNI. Y bueno, estamos en esta gira por Europa para denunciar y visibilizar la situación de los pueblos indígenas de México. Et nous faisons cette tournée à travers toute l'Europe pour dénoncer et pour rendre visible la situation des peuples indigènes du Mexique. De la guerra contra los pueblos zapatistas y pues también sobre los demás pueblos indígenas y también visibilizar o hacer presente la participación de las mujeres. La guerre qui a lieu contre les peuples zapatistes mais aussi contre les autres peuples indigènes du Mexique et aussi pour rendre visible la participation des femmes. Y pues también hacer articulaciones y conexiones con las personas de aquí, de Europa, que se solidarizan con nuestras luchas. Et je viens aussi pour créer du lien et l'entretenir avec les personnes ici en Europe qui sont en solidarité avec nos luttes. Y pues es un gusto. Poder expresarnos aquí y compartir nuestra palabra. Et nous sommes très heureux de pouvoir nous exprimer ici et partager notre parole. Merci à vous, gracias a ustedes. Yo soy Oscar Espino de la Coordinación General del Congreso Nacional Indígena en México. Je suis Oscar Espino, je fais partie de la coordination générale du Congrès national indigène au Mexique. Merci. Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Gracias por la invitación. Pedro Faro, du Centre des Droits de l'Homme, Fray Bartolomé de las Casas, Frayba, merci pour l'invitation. Entonces empezamos tal vez con un panorama, si nos pueden explicar un poco cuál es la situación en México, porque bueno, sabemos que siempre hubo violencia, lucha, resistencia, megaproyecto, etcétera, pero bueno, ya sabemos desde un tiempo que estamos a unos niveles un poco grande, de fuerte, entonces si nos pueden platicar de eso. Donc voilà, on sait que je leur demande de nous parler de la situation au Mexique, même si on a déjà parlé à plusieurs reprises du fait qu'il y a une augmentation de la violence toujours plus et plus. Et donc, mais là, peut-être qu'avec eux, on peut en parler plus en détail. Bueno, primero saludamos a la selva de las luchas. Nosotros venimos a caminar una semilla apenas de lucha de México y queremos plantarla acá en la selva de las luchas en París. On voudrait d'abord saluer la jungle des luttes. Nous venons avec une graine, celle de nos luttes au Mexique, et on voudrait la planter dans cette jungle des luttes à Paris. Esta semilla es de palabra verdadera de nuestros pueblos originarios en México y les mandan un saludo las abuelas y abuelos del Congreso Nacional Indígena. Cette graine, c'est une graine de parole, la parole des peuples originaires du Mexique. Et on voudrait saluer de la part des anciens et des anciennes du Conseil national indigène. Y venimos a hablarle principalmente a las mujeres y a los hombres de la Europa de abajo, a la Europa insumisa, para que sepan que en México hay una guerra de exterminio contra nuestros pueblos. Et nous venons parler principalement aux femmes et aux hommes de l'Europe d'en bas, de l'Europe insoumise, et on vient leur dire que dans notre pays, il y a une guerre contre nos peuples. Queremos que nos presten su oído digno y su corazón para que escuchen que sobre nuestros pueblos, además de la violencia del despojo de los megaproyectos, ahora hay violencias del narcoestado, es decir, del gobierno y del crimen organizado. Nous voudrions leur dire que la violence qui s'exerce contre nos peuples aujourd'hui, en plus de la violence de se faire du vol du territoire, C'est aussi la violence du crime organisé qui vient s'ajouter. Queremos denunciar especialmente la violencia sobre los pueblos del sureste de México. Et nous voulons dénoncer en particulier la violence qui s'exerce contre les peuples du sud-est du Mexique. Que aunque han resistido con sus formas organizativas y en el campo jurídico contra los megaproyectos, qui déjà depuis longtemps résiste de manière juridique contre la violence et les mégaprojets. Hay un embate que criminaliza a los defensores del territorio y que además está militarizando nuestros pueblos. Mais en ce moment, il y a une mesure qui criminalise les défenseurs du territoire et qui en plus s'attaque à nos peuples. Queremos además decir que hay un discurso de un falso gobierno de izquierda que pretende acabar no solo con el territorio, sino también con nuestros pueblos. Et nous voudrions signaler aussi qu'il y a un discours d'un faux discours qui prétend que c'est un gouvernement de gauche, mais en fait qui veut en finir avec nos territoires et même avec nos peuples mêmes. Por eso queremos denunciar que no solo hay un tren, sino un proyecto de muerte sobre nuestros territorios. Et donc ce qu'on veut dénoncer, c'est pas seulement un projet de train, mais c'est un projet de mort pour nos territoires. Le fameux train Maya dont on a déjà parlé sur nos ondes. Que decía que si hemos platicado de este tren Maya en nuestros programas. Y por eso nosotros decimos que no es tren Maya. Mayas son los territorios y nuestra sangre, nuestra raíz. Esto se llama tren de la muerte o tren militar. Et ce qu'on veut dire, c'est que en fait, c'est pas vraiment un tren Maya, un train Maya. Ce qui est Maya, c'est nous, notre sang, nos racines et notre territoire. Ce train, on peut l'appeler train de la mort ou train militaire. Estamos denunciando que ellos llaman desarrollo en polos de privatización de nuestros territorios. On voudrait dénoncer que ce que eux appellent développement, en fait, ce sont des villages de privatisation du territoire. Lo mismo sucede con el proyecto interoceánico o transísmico. Et on peut dire la même chose du projet interocéanique, qu'on appelle aussi transísmique. Que implican proyectos energéticos, éolicos y de infraestructura carretera y ferroviaria. Dans lequel se développent des projets énergétiques et des projets d'infrastructures ferroviaires et par la route. Para conectar el interés del capital y del crimen organizado, no de los pueblos. Pour connecter l'intérêt du capital et l'intérêt du crime organisé, mais pas l'intérêt des peuples. Bueno, también desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas venimos acompañando al Congreso, a la delegación del Congreso Nacional Indígena para denunciar las situaciones que están pasando hoy en día en Chiapas. Depuis le Centre des Droits de l'Homme, Fray Bartolomeo de las Casas, nous venons aussi accompagner la délégation du Conseil National Indigène pour dénoncer la situation qui existe aujourd'hui au Chiapas. Desde el FRAIBA hemos documentado las violaciones a derechos humanos, sobre todo en estos últimos años donde el aumento de la violencia ha aumentado de manera significativa. Depuis le FRAIBA, nous documentons les violations des droits de l'homme et en particulier ces dernières années où il y a eu une augmentation notable de ces violations. Es una espiral de violencia que se manifiesta en los territorios, en un gran riesgo a la vida y a la integridad de las personas, sobre todo de pueblos originarios. Et c'est une spirale de violence qui se manifeste dans les territoires, surtout par une menace contre la vie et contre l'intégrité des personnes qui font partie des peuples indigènes. Y tiene nombre, nosotros lo ubicamos en este triángulo del mal que es. Por un lado está el gobierno del estado, está la delincuencia organizada y están las empresas. Et tout ça, ça se situe dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de triangle avec d'un côté le gouvernement de l'État, le crime organisé et puis les entreprises. Entonces lo que ubicamos en el territorio, sobre todo en territorio rebelde, en territorio zapatista, es la actuación de manera impune de los grupos sucesores del paramilitarismo. Et donc ce qu'on voit aujourd'hui se produire dans les territoires, et en particulier dans les territoires rebelles zapatistes, c'est une croissance des successeurs des paramilitaires. Por lo que hay que recordar que a partir de 1994 que surgió el levantamiento armado, el ya basta del EZLN. Il faut rappeler qu'à partir de 1994, à partir du moment du soulèvement armé de l'EZLN, el Estado mexicano implementó un proyecto de contrainsurgencia para exterminar a la simpatía hacia el EZLN y al mismo EZLN. Le gouvernement mexicain a mis en place un projet de contre-insurrection avec pour but d'exterminer toutes les forces qui ont des sympathies pour le ZLN et le ZLN elle-même. Ahora esa historia de impunidad, como no ha habido justicia, se ha renovado de manera más recargada porque ahora los sucesores del paramilitarismo utilizan armas de mayor alto poder. Et toute cette histoire, en fait, il y a eu l'impunité, ce qui fait que ça se renouvelle aujourd'hui, et ça se renouvelle de manière encore plus chargée, puisque les successeurs des paramilitaires, ils utilisent des armes de plus grande puissance encore. Entonces, en territorio zapatista, vemos que en la región de Moisés y Gandhi, hay varias comunidades que están siendo, pues, agredidas por este actor armado. Et en territoire zapatiste, on voit que dans la région de Moïsès et Gandhi, il y a plusieurs villages qui sont attaqués par ces groupes armés. La respuesta del EZLN y de sus bases ha sido de resistir. Y ahora, tanto el Congreso Nacional Indígena como el FRAIVA, pues estamos denunciando esta situación de complicidad y de impunidad que está sucediendo en el territorio de Chiapas. La réponse de l'EZLN et de ses bases, ça a été la résistance. Et aujourd'hui, comme CNI et comme FRAIBA, nous dénonçons cette situation qui continue à exister. Es por ello que decimos que hay una guerra contra los pueblos zapatistas, contra la autonomía, con la construcción, pues que ha inspirado muchas luchas aquí en México como en el mundo. Et c'est pour ça que nous disons qu'il y a une guerre contre les peuples, en particulier contre les peuples zapatistes et contre ces luttes qui ont inspiré beaucoup d'autres luttes au Mexique et dans le monde. Aparte de eso, hay acciones de criminalización a bases de apoyo del EZLN. Tenemos preso a nuestro compañero Manuel Gómez, que está siendo privado arbitrariamente de su libertad. Et en plus de cela, il y a des actions de criminalisation contre les bases d'appui zapatistes. On pense à notre camarade Manuel Gómez qui est emprisonné et accusé dans ce contexte. Está criminalizado el compañero José Díaz, también base de apoyo del EZLN. Donde se le ha inventado una serie de delitos que no cometió en una estrategia de fábrica de culpables que hemos estado denunciando desde el FRAIVA. Et de la même manière, le camarade José Díaz a été criminalisé et accusé d'une série de délits qu'on a inventés et qu'il n'a pas commis dans une stratégie que nous dénonçons depuis longtemps au FRAIVA. C'est ça, des fabrications de coupables. Esta acción de tanto de los grupos sucesores del paramilitarismo la vemos reflejada en todo el territorio, en las acciones de aumento de la violencia, de la delincuencia organizada en varias partes del territorio de Chiapas. Et cette action des successeurs des paramilitaires, on voit qu'elle se reflète dans une augmentation de la violence et des actions de crime organisé dans l'ensemble de l'État de Chiapas. lo cual ha impactado en la frontera con Guatemala. Es que hay un impacto en la zona de la frontera con el Guatemala. Donde hemos registrado desplazamientos de más de 3.000 personas por cada evento de la acción del criminal de los cárteles que operan ahí. On a pu documenter des déplacements de population de plus de 3000 personnes pour chaque événement qui impliquait des membres des cartels dans cette zone. Aunado esto, desapariciones forzadas y asesinatos en esta parte del territorio. Ça a donné lieu à des disparitions forcées et à des y asesinatos. Y a des assassinats dans cette zone également. Por lo cual decimos que hay una crisis de derechos humanos, hay una crisis que institucional en donde el gobierno es parte de todas esas acciones criminales. Y c'est pour ça que nous disons qu'il y a une crise des droits de l'homme et une crise institutionnelle dans lequel le gouvernement fait partie de cette situation. En este país fragmentado vivimos los indígenas condenados a la vergüenza de ser el color que somos, la lengua que hablamos, el vestido que nos cubre, la música y la danza que hablan nuestras tristezas y alegrías. Nuestras venas aún siguen abiertas, con nuestra sangre escribimos nuestra historia, con nuestra sangre escribimos nuestra historia. Mi piel morena lleva cicatrices, a la grandeza de mi pueblo le quisieron arrancar sus raíces, nos maldijeron con la Malinche para volvernos esclavos de sus fucking business. El TLC es nuestro quiste, nuestro gobierno un mal chiste de humor gringo. Estúpido, estúpido, estúpido capitalismo, que solo los ingenuos agrada mientras su sangre se degrada al comerse la farsa de ideas prefabricadas, que les hacen olvidar a su raza para comprar las fantasías de las pantallas que se imponen, para que su mierda compres, para que tu economía se desplome y la suya se desborde, para que valores más un Disneyland que Tenochtitlan y tu penacho lo cambies por una gorra Adidas. El American Warrior no es la única salida. ¿El qué? El pinche sueño americano, la pinche europea ideología. No vales más por ser más consumista. Desde hace siglos nos roban nuestras materias primas. Y lo más indigno es que a veces nosotros mismos despreciamos al indígena. Vete en un espejo, no importa que no sea morena tu piel. El bronce se lleva la sangre solo por ser un hijo de América Latina, un continente que resucita cuando su sangre grita. Indígena, ando por la calle vestido de piel morena. Indígena, es lo que corre por mis venas. Ando por la calle vestido de piel morena. Ilusos, no han acabado sus problemas. Ando por la calle vestido de piel morena. Indígena, es lo que corre por mis venas. Ando por la calle vestido de piel morena. Ilusos, no han acabado sus problemas. Ishikoyotzin, chilicatica, chushima. Gente cuicatica, chucho, huila, huehuecli. Jungle des luttes, on est toujours avec nos amis du CNI et du Fraiba. Et donc on va peut-être pouvoir parler de la lutte précisément, plus précisément des femmes qui jouent un rôle important aujourd'hui. Entonces estamos con ustedes y vamos a hablar un poco más en preciso de la lucha de las mujeres, que es un aspecto importante hoy en día. Sí, bueno, en vista de todas las violencias que hemos sufrido en nuestros territorios. Au vu de toute la violence dont nous avons souffert dans nos territoires. Pues también nosotras como mujeres nos hemos unido a estas luchas para defender nuestros territorios. Nous aussi comme femmes, nous nous sommes unies à ces luttes pour défendre nos territoires. Porque defender el territorio abarca defender toda forma de vida que en ella existe y que se expresa. Parce que défendre le territoire, ça implique de défendre toutes les formes de vie qui existent à cet endroit et qui s'y expriment. aunque ha sido un poquito complicado, porque nosotras como mujeres prácticamente vamos en dos luchas. Bien que tout ça a été un peu compliqué, puisque nous, en tant que femmes, c'est-à-dire nous allons dans deux luttes. Que es la defensa del territorio y también la lucha contra el sistema patriarcal capitalista. C'est-à-dire la défense du territoire, mais aussi la lutte contre le système patriarcal capitaliste. Entonces, entre nosotras, nos organizamos y de manera colectiva para poder plantarnos igual en estas luchas. Et donc entre nous, nous nous organisons de manière collective pour pouvoir trouver notre place dans ces luttes. Y compartir espacios para reflexionar y que igual nos sirven para formarnos y tener tener también nuestra voz y que sea escuchada. Et partager des espaces pour réfléchir qui nous servent aussi pour nous former et puis pour avoir notre voix qui soit écoutée. A partir de todos estos procesos, pues se ha visto se ha visibilizado más la participación que hemos tenido en diferentes procesos y es algo que lo vemos y nos llena de orgullo el que las mujeres también ahora tengamos este espacio de participación. C'est à partir de ces processus qu'on a pu rendre visible notre participation et c'est quelque chose qui nous rend fiers que ça se voit aujourd'hui que les femmes participent de cette manière-là. Y pues nos motivamos unas a otras porque pues no es fácil en estas luchas, pero siempre tratamos de organizarnos, aunque a veces tenemos diferentes criterios. Et nous nous motivons les unes les autres parce que ce n'est pas toujours facile de participer dans ces luttes. Et que, sachant que les unes et les autres, on n'a pas forcément tous les mêmes critères pour rentrer dans cette lutte. Pero es algo que también tenemos. Es algo que. Como que tenemos que ir construyendo también la comunicación, la organización, porque eso es algo indispensable y la unidad, y no solo entre las mujeres, sino nosotros en las comunidades es que decimos que tenemos que caminar juntos, hombres y mujeres, para tener esa comunidad y colectividad. Mm-hmm. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise aussi, la communication et l'organisation, et quelque chose qu'il faut qu'on construise non seulement nous entre femmes, mais aussi en cheminant tous ensemble, les hommes et les femmes dans nos communautés. Y pues es eso algo que se impulsa desde el CNI, esta convivencia. Et ça c'est quelque chose qui est impulsé par le CNI, ce vivre ensemble. Y encuentros entre mujeres. Y ces rencontres entre femmes. Y pues eso nos ayuda a poder desarrollarnos también con nuestras habilidades, a perder el miedo. Y ça nous aide à nous développer aussi avec des nouvelles capacités, à ne plus avoir peur. Y pues también a desenvolvernos en asuntos politiques et publics. Et à nous impliquer aussi dans des tâches politiques et publiques. Por eso, aunque ahorita la situación de nuestros pueblos indígenas es difícil, nosotros seguimos resistiendo y luchando por la vida. Et donc, bien que la situation en ce moment de nos peuples soit difficile, nous continuons à résister et à lutter pour la vie. Et pues queremos seguir construyendo estas redes que van más allá de nuestras comunidades para que hagamos más fuerza y denunciemos lo que pasa en las comunidades y en los pueblos indígenas. Et nous voulons continuer à construire ces réseaux qui vont au-delà de nos communautés pour nous donner plus de force pour dénoncer ce qui se passe sur nos territoires. ¿Qué tal les pueden decir? Tú estás viviendo en el estado de Oaxaca y tu comunidad hace parte del CNI desde siempre. O tal vez nos puedes contar, como estás diciendo, que la lucha viene empujada por la organización que es el CNI. Tal vez nos puedes decir un poquito en qué cómo se concretiza exactamente la presencia de hacer parte del CNI, o cómo se concretiza en. Donc je lui demandais de nous dire, comme elle disait, que la force qu'elles ont de pouvoir s'organiser, ça vient aussi de cette force qui émane de ce Congrès national indigène, et qui, donc, je lui demandais de pouvoir nous expliquer, sachant qu'elle habite dans une communauté, de nous dire sa communauté, si elle était depuis toujours, enfin depuis qu'existe le CNI, c'est-à-dire il y a déjà 27 ans, non, qu'existait le CNI, algo así. Enfin, et donc, du coup, voilà, c'était qu'elle nous donne un petit peu plus de détails de ce lien avec le CNI. El CNI está integrado por mujeres, hombres, niños, niñas de los pueblos. Le CNI a des participants, des membres qui sont des femmes, des hommes, des enfants aussi, des peuples. De los pueblos indígenas. Y es un espacio donde lo asumimos como la casa de los pueblos indígenas de México. Et c'est un lieu que nous essayons de faire exister comme la maison des peuples du Mexique. Y bueno, es un espacio donde nosotros podemos reunirnos y reflexionar sobre la situación de nuestras comunidades. Y es un espacio en el que nos podemos reunir y reflexionar a la situación de nuestras comunidades. Y pues organizarnos o et nous organiser et organisarnos y como proponer también nuestras formas de cómo queremos de decidir sobre nuestro territorio et proposer aussi les manières dont nous voulons décider à propos de nos territoires. Es como la forma de gobierno que queremos construir. Et donc la forme de gouvernement que nous voulons construire. Et bueno, nosotros de mi comunidad pues tuvo ese acercamiento también por una concesión minera que abarcaba varias hectáreas de las tierras comunales. Et dans le cas de notre communauté, on a vécu des tentatives d'une concession minière qui concernait plusieurs hectares de notre territoire. Sí, era una. El gobierno le otorgó un permiso a una empresa canadiense de instalar una mina a cielo abierto. Et le gouvernement a donné l'autorisation à une entreprise canadienne d'installer là une mine à ciel ouvert. Que abarcaba más de 5.000 hectáreas de tierras comunales. Y eso concernaba más de 5.000 hectáreas de tierras comunales. Pues obviamente nosotros como pueblos chontales no sabíamos de la existencia de esa concesión. Y donc évidemment nous en tant que peuple chontal on savait même pas l'existence de cette concession. Y fue en el año 2014 que llegó ese rumor de que estaba concesionada nuestras tierras. Et donc en 2014, il a commencé à avoir cette rumeur que nos terres étaient sous le coup d'une concession. Y fue cuando empezó todo este proceso de organización, de asambleas informativas, asambleas comunitarias. Et donc c'est là qu'a commencé tout ce processus d'information, d'assemblée d'information et d'assemblée communautaire. Y ver qué podíamos hacer. Y pues ahí fueron cuando surgieron las alianzas. Et donc de voir ce qu'on pouvait faire. Et c'est là qu'ont commencé à apparaître des alliances. Y formar articulaciones como el CNI. Et l'idée de former des liens, des mises en contact comme le CNI. Y bueno, el apoyo de otros pueblos indígenas que en su momento pues hicieron marchas, plantones y igual acciones jurídicas. Et c'est là qu'on a reçu l'appui d'autres peuples indigènes qui à ce moment-là faisaient des marches, des plantons et qui posaient des recours aussi juridiques. Y pues afortunadamente en el año 2020 se logró obtener un amparo contre la concession. Alors heureusement, en l'année 2020, nous avons réussi à obtenir un recours contre cette concession. Pero nosotros seguimos en la lucha por nuestros hermanos, que hay algunos que todavía no, que todavía están en estas luchas del territorio. Mais nous restons dans ce processus de lutte en solidarité avec nos frères qui, eux, pour certains, sont encore en lutte pour leur territoire. Y también entonces se quedan organizándose como comunidad, es decir, para tomar más fuerza como poder de decisión, ahí cambia las cosas por las mujeres, entonces desde ahí. Sí. Je lui demandais si justement vous avez, dans la communauté ils ont continué à s'organiser même s'il y avait eu une sorte de victoire de, vis-à-vis de la concession canadienne. Mais donc du coup, si ce n'était pas aussi l'occasion d'avoir vécu une nouvelle mobilisation, et notamment pour les femmes. Donc. Sí, en este proceso fue cuando surgió también, se vio el surgimiento de la participación de las mujeres de las comunidades chontales. Oui, c'est effectivement dans ce processus que s'est donné à voir la participation des femmes de ces peuples chontal. Et que actualmente pues tienen ya un espacio en las asambleas comunitarias. Et donc maintenant, elles ont une place, elles ont un espace au sein des assemblées communautaires. Pero pues igual se sigue trabajando en tener información para que toda la comunidad pues ya no sea engañada fácilmente. Et on continue à travailler, notamment un travail d'information pour que l'ensemble de la communauté puisse se défendre contre les tentatives de tromperie. Y pues también crear conexiones con otras compañeras que han estado en luchas para fortalecernos y animarnos, porque cuando escuchamos a veces historias de cómo ellas se han organizado y han luchado y los resultados que tienen, pues nos alegra. Et il s'agit aussi de nous réunir avec d'autres compañeras, d'autres camarades, d'autres lieux pour nous renforcer et nous donner du courage. Parce que quand on entend les histoires de ce qu'elles ont fait par le passé, alors ça nous donne la force aussi de continuer. Et bueno, y escuchar testimonios de las situaciones que otras sufren y que lamentablemente a veces no logran cambiar la situación, pues nos solidarizamos con ellas y eso es algo que también nos motiva a seguir resistiendo por ellas y por ellos y por la vida. Y d'autre part, écouter les témoignages de ceux qui eux souffrent encore et n'ont pas encore réussi à vaincre, c'est aussi quelque chose qui nous donne la force de continuer à lutter en solidarité avec elle et à résister pour la vie. Un saludo a las compañeras de Chantal que luchan y todas las demás en todo el país y en el mundo. On salue toutes les femmes en lutte, les femmes Chantal du Mexique et de partout. Merci. La jungle des luttes, on est toujours avec les compas du CNI et du Freiba. Donc, Entonces estamos con ustedes y seguimos entonces con la situación más en el foco con los pueblos indígenas en México. Donc, on va se concentrer un peu sur tout ce qui se passe dans les différents peuples, communautés du Mexique. También vemos que esta guerra se expresa en planes de reordenamiento de los territorios de los pueblos. On voit que cette guerre, elle s'exprime aussi en termes de réorganisation des peuples du Mexique. Hay el impulso desde el gobierno de planes de despojo, pero que simulan ser lo que él nombra planes de justicia por pueblos. Il y a des plans de la part du gouvernement qui sont en fait des plans de vol des ressources, mais que le gouvernement appelle plans de justice pour les peuples. Por ejemplo, los pueblos yaquis del norte del país y los pueblos mayos denuncian que el supuesto plan de justicia nunca llegó. Par exemple, les peuples yaquis du nord du Mexique et les peuples mayos dénoncent le fait que ce plan de justice n'est jamais arrivé jusqu'à eux. Estos planes de justicia, según iban a estar integrados por planes de desarrollo económico. Et ces plans pour la justice, on disait qu'ils allaient comporter ce qu'on disait être des plans pour le développement économique. Pero también de justicia social y de resolver problemas agrarios, territoriales o de detenidos. Mais aussi des plans de justice sociale avec la résolution de problèmes agraires, de problèmes de problèmes de détention, d'emprisonnement. Pero en la práctica solo son planes económicos para beneficiar a algunas empresas en nuestros territorios. Mais en fait, ce sont seulement des plans économiques et au bénéfice d'entreprises dans nos territoires. También estamos viendo que hay amenazas directas por la introducción del crimen organizado en Colima, en Michoacán y en Guerrero. On voit aussi que c'est une menace directe à cause de l'introduction par ce biais du crime organisé à Colima, au Michoacán et au Guerrero. En donde la voracidad es el agua y los territorios para la minería. La voracité porte sur l'eau et aussi sur les territoires pour les mines d'extraction. Solo en Guerrero, en los últimos 3 años, han asesinado a 14 personas del Congreso Nacional Indígena. Rien qu'au Guerrero, dans les 3 dernières années, 14 personnes du Conseil National Indigène ont été assassinées. Y ahora hay un riesgo muy fuerte en la zona de la costa en Michoacán. Et le risque est très très fort actuellement dans la zone de la côte au Michoacán. Donde las mineras canadienses pretenden instalar sus proyectos. Là où les mines canadiennes veulent installer leurs projets. Pero también nuestros pueblos tienen procesos de organización y guardias comunitarias. Mais où nos peuples ont des processus d'organisation et de garde communautaire. En estos territorios, apenas el mes pasado, hace 1 o 2 meses, asesinaron a nuestro compañero Froilán. Et c'est dans ces territoires qu'il y a 1 ou 2 mois, ils ont assassiné notre camarade Froilán. Y están desaparecidos desde diciembre de 2022, un defensor del territorio y una autoridad ejidal. Et là, il y a 2 disparus depuis décembre 2022, un défenseur du territoire et une personne qui faisait partie des autorités de l'Ejido, donc de l'entité collective de gestion des terres. Esta misma situación de criminalización ha sucedido también en el centro del país. Et cette même situation de criminalisation, de production du crime, ça s'est produit aussi dans le centre du pays. Por eso, nuestros compañeros Miguel López y Alejandro Chocolat. Et là, nos camarades Miguel López et Alejandro Chocolat. Indígenas que resisten a la contaminación y al despojo en el río Metlapanapa. Qui sont des indigènes qui résistaient contre la contamination et contre le vol des ressources du fleuve Metlapanapa. Han sido criminalizados por el Estado mexicano. Ils ont été criminalisés, c'est-à-dire rendus faussement coupables par l'État mexicain. Pero nuestros pueblos han organizado la resistencia. Mais nos peuples ont organisé la résistance. Y por eso le arrebataron a Bonafont. Et ils ont repoussé Bonafont. De la empresa Danone. Qui est une partie de l'entreprise Danone. El agua que había secuestrado y que capturaba de nuestros pozos. Para llenar garrafones y volvernos a vender. et ils ont récupéré l'eau que cette entreprise prenait de nos puits pour remplir des gigantesques bouteilles plastiques et ensuite nous la vendre de nouveau. O sea, nos roban el agua para después vendérnosla. C'est-à-dire qu'ils nous volent l'eau pour ensuite nous la revendre. Por eso queremos hacer eco de esta resistencia acá en Europa. Et c'est pour ça qu'on veut produire un écho, diffuser cette résistance ici en Europe. Lo mismo pasa con territorios donde generan energía eólica. Il se passe la même chose dans les territoires où ils produisent de l'énergie éolienne. Pero llevan destrucción de nuestros territorios. Mais en fait, ça, c'est au prix de la destruction de nos territoires. Entonces, esa mentira del capitalismo verde. Et donc ce mensonge du capitalisme vert nos está despojando y asesinando. C'est quelque chose qui nous vole nos ressources et assassine les hommes. La misma situación, pero además la grave violencia del crimen organizado está en el otro extremo de la costa. Et c'est la même situation avec une violence extrême du crime organisé qui se trouve tout à fait de l'autre côté sur la côte. Por el lado del Golfo, los proyectos de extracción de hidrocarburos y gasoductos. C'est du côté du Golfe, donc avec les projets d'extraction d'hydrocarbures et de gazoducs. Están amenazando y despojando casi en su totalidad del territorio de nuestros pueblos. Et là, la menace et le vol du territoire portent sur presque la totalité des peuples. Ya hay miles de pozos de extracción de hidrocarburos en el territorio de la Huasteca y el Totonacapán. Et là, il y a déjà des milliers de puits d'extraction dans le territoire de la Huasteca et le Totonacapán. Y con la reforma constitucional en 2012, legalizaron el despojo. Avec la réforme constitutionnelle de 2012, ils ont rendu légal ce vol du territoire et des ressources. Determinando que la industria de hidrocarburos es prioritaria. Parce qu'ils ont déterminé que l'industrie d'hydrocarbures c'était une priorité. De utilidad pública, de interés público y de orden público. D'utilité publique, d'intérêt public et d'ordre public. Es decir, tienen el derecho de criminalizar la protesta de nuestros pueblos. Et ça, ça leur donne le droit de criminaliser la protestation de la part de nos peuples. Pero y además hace prioritario sacar petróleo por encima de sembrar maíz. Et ça, ça veut dire que tirer le pétrole, ça devient prioritaire sur semer du maïs. Y ahora con la amenaza de extraer no solo petróleo, sino gas natural de los yacimientos de Lutitas. Et là, maintenant, avec la menace d'extraire non seulement du pétrole, mais aussi du gaz naturel, des gisements... De Lutitas, es la tierra. De Lutita, la région de Lutita. De la région de Lutita. Mediante el procedimiento de fracturamiento hidráulico, fracking. Par le processus qu'on appelle fracking, donc de fracturation hydraulique. Donde se prevé que el uso indiscriminado del agua dulce de nuestras cuencas. Et ça, ça se fait avec l'usage sans discrimination de l'eau douce, de l'eau potable, de nos ressources. De por sí ya se utilizan para los yacimientos de petróleo y estarían condenando al uso solo para la industria de tres cuencas hidrológicas. Et de fait, cette eau elle est déjà utilisée pour l'extraction du pétrole et là on condamnerait l'usage total de trois sources d'eau. Y frente a la resistencia de nuestros pueblos, no solo hay criminalización, sino el terror que llevan las empresas y el crimen organizado. Et face à la résistance de nos peuples, il n'y a pas seulement les tentatives de criminalisation des personnes qui résistent, mais aussi la terreur que fait peser le gouvernement et aussi le crime organisé. En la resistencia de nuestros pueblos, hemos encontrado decenas de fosas clandestinas en nuestros territorios. Et pendant ce processus de résistance de nos peuples, on a découvert des dizaines de fosses clandestines dans nos territoires. En los mismos yacimientos de los pozos petroleros. et dans les lieux même, les gisements pétroliers où se trouvent les puits d'extraction. Incluso utilizan líquidos y bueno, de los recursos fósiles o ácidos para deshacerse de los cuerpos. Ils utilisent même des liquides de ces ressources fossiles ou acides pour se débarrasser des corps. De tal manera que con las madres buscadoras hemos recuperado de estos sitios de exterminio. De telle sorte que avec les mères qui cherchent donc leurs enfants disparus, nous avons retrouvé dans ces sites-là hasta 40,000 restos óseos. Jusqu'à 40,000 restes osseux. Y hemos encontrado al menos 13 sitios de exterminio. Et on en a trouvé au moins 13 de ces sites d'extermination. El crimen organizado les llama cocinas. Le crime organisé appelle ces lieux des cuisines. Lo que representa un estado de terror para nuestros pueblos. Et ça représente évidemment un état de vivre dans la terreur pour nos peuples. Pues sí, estamos viendo que está muy, podemos decir, grave de la situación en México. Difícil entender cómo logran seguir resistiendo, pero sí es el caso. Donc bon, on a vu que la situation effectivement elle était on peut dire grave et on se demande comment vous réussissez dans cette situation si difficile à résister, mais c'est bel et bien le cas. Gracias por su testimonio, digamos. Merci pour ce témoignage et je vous laisse les dernières paroles. Les dejamos las últimas palabras. Bueno, queremos agradecer a la Europa Insumisa y de abajo. Voudrions remercier l'Europe Insoumise et l'Europe d'en bas. El que nos haya prestado su corazón y su oído. De nous avoir prêté vos cœurs et votre écoute. Trajimos una semilla de palabra y queremos dejárselas en sus manos. Et nous venons avec cette graine de parole et nous voudrons la laisser dans vos mains. Creemos que la vamos a hacer florecer juntos, juntas. Et nous croyons que nous allons la faire fleurir ensemble. En nuestro país, creemos que no solo es un modo indígena, sino una necesidad estar juntos, ser comunidad. Et dans notre pays, nous croyons que c'est pas seulement la manière des indigènes, mais c'est une nécessité d'être ensemble. No conocemos otra manera. Et nous ne connaissons pas d'autres manières de faire. Por eso queremos defender nuestro modo y nuestro ser. Et c'est pour ça que nous voudrions défendre notre manière de faire et d'être. Por eso seguimos plantados en nuestros territorios. Et c'est pour ça que nous restons, nous continuons à être dans nos territoires. Ahí estamos muriendo. Et c'est là que nous sommes et que nous mourons. Pero también floreciendo. Mais que nous fleurissons aussi. Y estamos articulándonos como pueblos en lo que nosotros llamamos nuestros espejos de resistencia. Et nous prenons contact entre nous, entre peuples, dans ce que nous appelons nos espaces de nos miroirs de résistance. Sabemos que el consejo de nuestras abuelas y abuelos, pero también la alegría de los niños y las niñas, la fuerza de los jóvenes y las jóvenes, nos va a permitir resistir. Et nous savons que le conseil de nos anciens et de nos anciennes, mais aussi la joie des enfants et la force des jeunes, c'est ce qui va nous permettre de résister. Queremos seguir haciendo asamblea y tomar acuerdos colectivos. Et nous voulons continuer à faire des assemblées et à trouver des accords collectifs. Y celebrando la vida, sembrando maíz. Et à célébrer la vie, à semer du maïs. Y por eso estamos juntos y juntas tratando de organizar nuestra resistencia. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble à essayer d'organiser notre résistance. Estamos dando batalla desde nuestro lugar, pero también en el campo jurídico. Et nous luttons dans les lieux où nous sommes, mais aussi sur le plan juridique. Estamos denunciando lo inútil que es este sistema capitalista para la vida. Et nous dénonçons à quel point ce système capitaliste est inutile pour la vie. Y animando a los pueblos y a los hombres y mujeres de todo el mundo. Et nous encourageons les peuples et les hommes et les femmes du monde entier. à luchar junto con nosotras y nosotros. A lutter avec nous tous et toutes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a pesar de que esta historia de dolor y de rabia. Malgré cette histoire de douleur et de rage. Y a nosotros nos toca pues documentar las situaciones de represión, de desaparición forzada, de agresiones a defensores y a periodistas. Nous, notre tâche, c'est de dénoncer ces agressions, ces disparitions de défenseurs et de journalistes. Desplazamientos forzados, feminicidios, agresiones al territorio. Les déplacements forcés, les féminicides et les agressions contre le territoire. Que representan esta crisis civilizatoria. Qui représente une sorte de crise de civilisation. Que no es propia solo de México, sino donde voltemos, vemos esas realidades también. Et qui n'est pas seulement le propre du Mexique, mais de tous les endroits où nous voyons ces réalités aussi. Nos empecinamos a la esperanza y a la lucha conjunta con los pueblos del mundo. Nous faisons vœu de résistance et de lutte, tous et toutes ensemble avec les peuples du monde. Creemos que es posible luchar desde abajo y transformar este sistema de muerte. Nous pensons qu'il est possible de lutter d'en bas et de transformer ce système de mort. Es por ello que el camino del Congreso Nacional Indígena es un camino digno de resistencia y lucha. Et c'est pour ça que le cheminement du Conseil National Indigène, c'est un chemin digne de lutte et de résistance. Un camino que ilumina la esperanza y el horizonte de transformación social. Et un chemin qui illumine l'espoir et l'horizon de transformation sociale. Y pues por ello también que convocamos a todos y a todos los quienes nos escuchan a no desistir en la resistencia y a seguir construyendo vida desde abajo junto con los pueblos. Et c'est pour ça aussi que nous invitons à tous ceux qui nous écoutent à ne pas lâcher dans la résistance et à continuer à les uns les autres. Juntos. Tous ensemble avec nous aussi. Y pues está ahí la palabra de nuestro compañero, nuestra compañera de lucha, que son parte del Congreso Nacional Indígena, en el cual nosotros decimos que seguiremos caminando junto con ellos, con los que desde abajo caminan la palabra, la esperanza y la resistencia. Muchas gracias. Et voilà, c'est là la parole de nos camarades du Conseil National Indigène et nous continuons à cheminer avec eux dans la résistance. Merci beaucoup. Compañera, a ti la última palabra. On va laisser la dernière parole à notre compañera. Bueno, yo solo quiero decir que los pueblos hemos existido y seguiremos existiendo. Je voudrais dire seulement que nous, les peuples, nous avons existé jusqu'ici et nous allons continuer à exister. Résistiendo y defendiendo y luchando por la vida. Et à résister et à défendre et à nous défendre pour la vie. Et que nuestras voces cada vez seguirán escuchando más, sin importar las fronteras. Et que nos voix. On continuera à les entendre de plus en plus et peu importe les frontières. Muchas gracias por escucharnos. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à vous. Muchas gracias. Colaval. Au Colaval. Pause musicale. Salut. Hello. What do you want to spread today? Yo. Me quiere sentadita en su culo inquieto. Ese es mi drama. A veces una loba, a veces una dama. Te contaría un cuento, pero ya sé cómo acaba. No te gusta nada, y eso ya lo sé. Tú no eres mi príncipe, ni yo tu mujer. Puedo ser tu queen poa, tu leona de melena. En el barrio la que suena, la que trae la mierda buena. Me expando en las antenas. No me ponga los barrotes, que no quiero la condena. Él me quiere amarrajita, que le haga la cena. Y chiqui chiqui bao, suena la escopeta. Me la sé buscar solita. La merca se guarda en las tetas. Va a salir del bache, va a pagar las cuentas del extra radio. Crecía en el bloque. No había... 106.3 FPP, donc la jungle des luttes, on va terminer cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous réécouter si vous avez raté le début jeudi prochain. Jeudi en 8, quatrième jeudi de 8h à 9h30. Vous pouvez consulter notre blog, vous pouvez rencontrer le comité de solidarité le 1er, 3e et 5e mercredi du mois à 20h, 33 rue des Vignoles, Avron, Paris. Enfin, métro Avron à Paris, c'est une assemblée ouverte, donc on y parle des apatistes du Mexique et de toutes les luttes en bas à gauche, selon justement qui vient. Et donc on est un groupe qui fonctionne déjà depuis 1994 en assemblée ouverte, donc voilà, c'est toujours ouvert. Merci de nous écouter, et par contre, n'hésitez pas, le mois prochain, nous avons les 40 ans de la formation de l'EZLN, donc l'Armée Zapatiste de Libération Nationale. Le 17 novembre 1983, l'EZLN se formait, composé d'ex-guerriéristes, si on peut dire, et donc à la venue se réfugier au Chiapas, et ont rencontré donc des paysans indigènes qui luttaient contre les gardes blanches des grands propriétaires. Et donc c'était le début de l'EZLN, et donc de cette fusion entre une vision marxiste, si on peut dire, et puis cette vision indigène de ce rapport à la terre et au travail. Et cette fusion qui fait qu'en 1994, 1er janvier 1994, et donc on fêtera les 30 ans le 31 janvier, enfin le 1er janvier 2024, c'est donc le soulèvement des apatistes et des peuples autochtones au Mexique et ailleurs. Et c'est aussi l'espoir dans le monde entier de trouver une alternative à ce monde capitaliste. Et donc bah, la lucha sigue toujours, hein, on lâche rien, c'est compliqué, de plus en plus compliqué, faire attention à nous, aux autres, aux uns, aux autres, et puis s'organiser, surtout s'organiser et se solidariser. Donc on, bah voilà, sur tous vos terrains de lutte, n'hésitez pas à vous organiser toujours plus. La fin de l'émission arrive, on va finir avec notre petit hymne zapatiste comme d'habitude, et on se retrouve le mois prochain, donc autour du 17 novembre, puisque c'est donc, on disait, l'anniversaire de la création de l'EZLN. On aura des activités, n'hésitez pas donc à regarder sur notre site. Normalement, ce sera annoncé, ou sinon de vous renseigner. On fera des choses sur Paris. La lucha sigue, on y va, la jungle des luttes. Merci, salut.